Bonjour, aujourd'hui les femmes pendant la Révolution française. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Deux mille ans d'histoire. Elle s'appelait Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Manon Roland, Lucille Desmoulins ou Charlotte Corday. Célèbres ou anonymes, elles ont participé à tous les grands moments d'une révolution qui a proclamé les droits de l'homme en oubliant ceux des femmes. Entre 1789 et 1794, on les avait pourtant vues partout où s'est faite la révolution. De la Bastille jusque dans les prisons de la Terreur, dans les assemblées et les tribunaux révolutionnaires jusque dans l'armée ou le bocage vendéen. Pour ou contre le roi, elles ont même été à l'origine d'une des plus grandes journées révolutionnaires, lorsque le 5 octobre 1789, les femmes des Halles et du faubourg Saint-Antoine, qui manquaient de pain, étaient parties à Versailles pour en demander à Louis XVI. Eh ben, on va lâcher ! Et si ce n'est pas vous autres qui donnez l'exemple, c'est nous, les femmes, vous entendez, qui vous le donneront. Henriette, Zoé, Julie, Mathilde, Émérantine et toutes les tricoteuses, en route pour Versailles ! Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles ! Pour réclamer du pain! Allons chercher la boulangère et le boulanger! Et le petit vitraux! Sire, les voici! Entrez, mademoiselle. Faites la révérence. Laissez-la donc tranquille. Vous avez désiré me voir, mademoiselle. Oui. On voudrait du pain. Vous direz à ceux qui vous accompagnent que le roi leur demande encore un peu de patience et qu'ils auront bientôt satisfaction. Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre « La Révolution brisée » qui a été publié chez Armand Collin, vous rappelez que si les femmes ont participé à tous les grands moments de la Révolution française, cette journée du 5 octobre est la seule dont elles ont été directement responsables et même actrices. La première victoire des femmes, dites-vous, et en même temps la dernière car elles ont fait peur. Oui, je vous remercie de commencer cette émission par cet épisode à la fois très célèbre et finalement quelque part un peu méconnu parce qu'on ne se rend pas bien compte, je pense, de ce bouleversement qui se produit lorsque, après de nombreuses manifestations déjà dès le mois d'août, dès le mois de septembre, les femmes, parce que ce sont les dames de la Halle, c'est-à-dire des femmes qui sont déjà reconnues comme telles, comme des actrices véritables de la ville de Paris, des actrices politiques en quelque sorte déjà, décident d'aller à Versailles pour réclamer du pain, bon, indiscutablement, certainement aussi pour des raisons politiques également. Je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout ne voir dans les mouvements des femmes que des mouvements liés aux subsistances. Il y a des visions politiques derrière ce mouvement-là, parce que le roi est en train de refuser la déclaration des droits de l'homme, parce que ce mouvement qui a été lancé en juillet en quelque sorte s'essouffle, et qu'elles entraînent derrière elles des milliers de femmes plus ou moins acquises, et aussi des hommes qui profitent en quelque sorte de cette circonstance pour imposer, ils vont réussir, au roi à signer la déclaration des droits de l'homme. Si elles font peur, ce n'est pas seulement parce qu'elles vont demander du pain, comme voilà. Le célèbre épisode de cette jeune fille de 17 ans, Louise Chabry, qui va devant le roi, qui s'évanouit devant lui, voilà. Mais il y a aussi des femmes qui ont égorgé deux gardes du corps, c'est pour ça qu'elles font peur, parce qu'on critique la petite Louise Chabry, mais on va beaucoup plus loin, et c'est en ça que c'est une journée considérable, un tournant, car le roi revient à Paris, il ne retrouvera jamais Versailles, on sait comment ça s'est terminé, et il accepte cette déclaration des droits de l'homme qui excluait pourtant, et c'était qui était voté en août, qui excluait pourtant les droits des femmes. Et ça parce qu'elles étaient destinées depuis très longtemps, au fond, à rester dans le rôle de mère, que personne dont personne ne voulait les sortir. Vous rappelez aussi dans ce livre qui commence avant la Révolution, que les philosophes des Lumières, dont se réclamaient les révolutionnaires, comme Rousseau, ne souhaitaient pas du tout voir les femmes dans la politique. Non, du tout. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'on reprochera aux femmes leur sauvagerie, le fait que, comme on le dit d'une façon pas très élégante, qu'elles sont dépendantes de leur utérus et qu'elles sont finalement des êtres hystériques. Donc on leur reproche cela beaucoup plus qu'aux hommes du peuple qui, au moment du 14 juillet, ont tué des Suisses et coupé la tête de Delaunay. Mais alors pour les femmes, il y a vraiment un danger pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble des hommes qui ne veulent pas évidemment perdre un pouvoir qu'ils estiment que ce pouvoir, ils doivent le garder. Les femmes, les pauvres, les esclaves sont des êtres fragiles, des enfants. Et même les philosophes, vous les citez, Diderot, Rousseau qui disait « La femme est faite pour céder à l'homme et supporter son injustice », écrit-il dans les villes. C'est assez extraordinaire. Alors, moi, si vous me permettez quand même deux choses. Parce que Rousseau donne à Émile une femme qui ne doit pas être trop belle, pas être trop intelligente. Bon, ça, c'est l'Émile. Mais moi, j'aime beaucoup, il y a un petit roman posthume, Émile ou Sophie ou les solitaires, où il raconte finalement que, mais le livre paraît après sa mort à lui, bien que Sophie a pris son indépendance, que le couple a explosé et que finalement lui-même se rend compte qu'il s'est trompé. Alors je trouve que c'est réconfortant, reste que, pour faire bref, un seul philosophe pouvait donner aux femmes l'espoir d'une reconnaissance, c'était d'Alembert. Pour le reste, il fallait que les femmes restent des mères, des sœurs, des épouses dociles. C'était, disait-on, sa vocation, sa nature, la destination de la femme, même c'était le mot qu'on employait à l'époque. Mais les femmes sont majoritairement d'accord avec cette idée-là. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'elles y trouvent aussi leur compte. Elles peuvent être reconnues dans leur communauté, et elles ne veulent pas non plus transgresser, comme on disait joliment, les règles de leur sexe, sortir de leur sexe, parce que c'est toujours dangereux. La seule concession, finalement, que leur fera la Révolution, eh bien, c'est une loi qui n'a pas été votée que pour elle en 1792. Regarde la Révolution, ça bouge. Par exemple, un couple. Au début, il est heureux. Après, il se dispute. Maintenant, ça s'arrange. Il y a le divorce. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est cette nouvelle loi, tu sais. On va à la mairie, on signe un papier, et c'est fini. Il n'y a plus de mariage. Pour les divorces. Prenez la queue, comme tout le monde. Date du mariage. 14 février 1786. 8 ventoses 1786. Philibert Nicolas Albert Marie et Gosselin, Charlotte Julie Clarisse. Citoyens et citoyennes, êtes-vous déterminés à rompre les liens qui vous unissaient de par les coutumes de l'ancienne superstition? Oui. Et lui? Mettez oui, il est d'accord. Allez, pas de regrets, citoyens. Au suivant. Enfin le divorce est permis, chantons avec allégresse. Nous ne serons plus asservis, chaque femme est maîtresse. Les époux vont changer de ton, la faridondaine, la faridondon. Et nous aurons d'autres maris biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. J'avise deux époux mal unis, entraient en procédure, et leur bien devenait le prix des frais. Et c'est Simone Bartel, Le divorce, une chanson donc de la Révolution, le divorce voté en 1792, qui concernait les femmes, mais dites-vous, Jean-Clément Martin, qui n'a pas été inventé pour elles. Oui, mais moi, je voudrais quand même dire... C'est vous qui écrivez. Oui, non, là-dessus, bien sûr, je signe à nouveau. Mais je voudrais surtout dire que le divorce n'apparaît pas avec la Révolution comme la solution inventée par la Révolution pour couper la tête au roi et instituer le divorce qui détruit les familles. Ça fait 30 ans que la querelle du divorce existe en France, donc il n'y a pas d'étonnement, comme on a entendu dans l'extrait que vous avez passé. Tout le monde sait ce que c'est qu'un divorce. D'abord, on le pratique, même sans le mot. Et puis, surtout, le divorce apparaît comme, alors ça pourra évidemment aujourd'hui laisser rêveur, mais comme le moyen pour privilégier l'amour dans les couples. Bon, quand les couples sont mal appariés, on va leur permettre de divorcer. Comme ça, il y aura l'amour, et donc il y aura la reconstitution familiale qui est la base, l'espoir de la Révolution française, faut-il le rappeler. Alors c'est vrai d'un mot que la loi du divorce est quand même inégalitaire entre les hommes et les femmes, même si après 1793, ce sont majoritairement des femmes qui vont l'utiliser. Oui, le mari peut se remarier tout de suite, pas la femme, bien parce sûr. Qu'on craint évidemment les enfants, qu'il attend un enfant. Voilà. Le mari ne perd pas ses biens, la femme peut les perdre si elle est considérée comme fautive. Alors, le divorce, mais alors... Pas le droit de vote pendant la Révolution, personne ou presque n'a demandé, même pas les révolutionnaires les plus radicaux, il n'y a que deux ou trois personnes qui l'ont réclamé, le premier Condorcet. Voilà, mais si vous acceptez mon hypothèse de dire que l'essentiel dans la Révolution contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est une vision familialiste. Bon, donc on ne fonctionne pas en termes d'individus, mais en termes de famille. Donc le vote qui existait auparavant n'était pas attribué à des individus en tant que tel, il était attribué à des individus parce qu'ils représentaient des maisonnées. Bon, donc ce qui se passe sous la Révolution et jusqu'en 1793, et on le dit jamais assez, c'est qu'il y a eu notamment des votes pour le découpage des biens communautaires, où des femmes ont été représentantes de leur maisonnée, considérés comme des hommes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après 1793, c'est que cette vision familialiste disparaît plus ou moins et qu'on commence à s'imposer une vision individualiste. Mais, et donc là, les individus réclament pour eux-mêmes la reconnaissance de leur opinion. Alors Condorcet le demande, cela dit, les femmes ne seront ni éligibles ni électrices. Oui, il y en a une quand même, une figure féminine qui réclame ce droit de vote, elle est une des plus célèbres de la Révolution française, Olympe de Gouges, qui avait écrit d'ailleurs une déclaration des droits de la femme, dont l'article 1er est rédigé ainsi, « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit », et qui réclamait qu'elle monte à la tribune puisqu'elle avait le droit de monter à l'échafaud. Et c'est un livre très étonnant, une déclaration très étonnante, parce que Olympe de Gouges n'est pas une républicaine acharnée, radicale, une montagnarde. C'était une royaliste, puisqu'elle a dédié cette déclaration des droits de la femme à Marie-Antoinette. C'était une girondine, plus exactement, mais qui fait aussi pression sur la reine en lui disant « Écoutez, ou vous êtes de notre côté et vous nous soutenez dans nos revendications, ou vous êtes contre nous et ça va mal se passer pour vous. » Mais d'un mot encore... ce qui se passe en France, c'est pas pour la France seulement que les choses sont figées comme ça. Aux États-Unis, au même moment, c'est la même chose. C'est une question culturelle où là, comme on disait joliment aux États-Unis, on n'a pas pensé aux dames lorsqu'on a fait des lois. Alors on a pensé quand même à Olympe de Gouges pour la guillotiner. Ensuite, parce qu'elle était girondine. Le 3 novembre 1793, 5 jours avant, une autre grande figure féminine de la Révolution, une des premières à vouloir la République, Madame Roland, guillotinée le 8 novembre 1793. À mort la Roland ! À la guillotine ! Mais j'y vais, citoyen, j'y vais. Justice est rendue, citoyen ! La Roland va expier ses crimes ! À la leçon, citoyenne ! Voilà le prompt des ambitieuses ! Allez, monsieur, passez le premier. Je veux vous épargner de sentir deux fois la mort. Liberté, que de crimes on commet en ton nom. Un soir disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. Sans craindre d'un important les discours infâmes, nous mettrons tout en commun jusque à nos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux saisir l'esprit d'une république bien démocratique. Une autre chanson de l'époque de la Révolution, Le Grand Projet, qui était chanté par Chantal Grimm. Le Grand Projet, c'était la République. La République, Madame Roland était la première quasiment à réclamer en 1792, en tout cas une des rares personnes à le faire à ce moment-là. Mais alors, qui était républicaine, mais pour une République d'hommes. Elle n'était pas encore, elle ne revendiquait pas, vous la citez d'ailleurs, le pouvoir pour les femmes. Elle écrivait « Les femmes doivent inspirer le bien et nourrir et enflammer tous les sentiments utiles à la patrie, mais non paraître concourir à l'œuvre politique. » Parce que l'idée fondamentale de tous ces gens, Condorcet, Grégoire, c'est cette utopie éducatrice qui considère qu'on ne pourra établir un régime républicain que si l'ensemble de la nation est éduquée. Mmh. Et donc, il ne faut pas précipiter les choses, que les gens illettrés, les plus pauvres, les esclaves et les femmes, doivent être d'abord éduqués avant de recevoir leurs droits politiques. C'est un immense ce débat. Et c'est vrai que ça s'enracine aussi dans cette conviction propre à toutes ces femmes des classes moyennes qui gardent aussi leurs habitudes de l'enfance, qu'elles ont été élevées, alors qu'elles ont été élevées avec une culture, avec un apprentissage remarquable, elles ont été élevées malgré tout dans une soumission hiérarchique vis-à-vis des garçons. Elle va jouer quand même un rôle fondamental auprès des Girondins, auprès de son mari, moins connu qu'elle finalement, dans un sens, ministre de l'Intérieur. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, autre femme de la Révolution que vous citez, Théroigne de Méricourt, elle est allée jusqu'à demander à ce que les femmes prennent les armes, en fait, c'est-à-dire entrent dans la garde nationale. Alors c'est un cas, Théroigne de Méricourt, parce qu'elle aussi, globalement, est girondine, elle aussi va être exécutée, enfin pas exécutée, va être battue, fessée, jetée en prison, où elle meurt à la Salpêtrière au début du 19e, comme une espèce de bête sauvage qu'on vient voir, le bourgeois parisien vient voir une révolutionnaire folle, et elle sombre dans la violence. Et elle fait partie de toutes ces femmes, alors elles n'ont pas appartenant à cette bourgeoisie à talent, mais on va dire comme ça, d'un demi-monde entre aventure libertine, aventure intellectuelle, aventure politique. Et elle est une des premières, effectivement, à se rendre compte qu'il faut s'opposer, qu'il faut prendre parti. Mais il lui est arrivé une drôle d'histoire à Théroigne. Elle a été kidnappée, littéralement, en 1792, jetée en prison en Autriche, auditionnée par l'empereur d'Autriche lui-même, qui la considérait comme une femme extrêmement dangereuse, avant de réussir à sortir de sa prison. Donc là, on est rentré parmi les femmes aventureuses. Et puis alors, donc, réclamant que les femmes entrent dans la garde nationale, il y avait même, on l'oublie souvent, elles n'étaient pas seulement dans les assemblées révolutionnaires ou dans les rues, elles étaient aussi, il y en a quelques-unes, pas beaucoup, qui étaient dans l'armée. Oui, Jean-Clément Martin. Tout à fait. Bon, il me semble qu'on peut en compter 80, 100 qui sont dans l'armée. Certaines sont élues sous-officiers, voire sous-lieutenant. Bon, la plus célèbre, bien sûr, c'est Madame Sangène, mais pas la maréchale de l'Empire, la vraie Madame Sangène, Thérèse Figuer, qui traverse finalement toute la Révolution et tout l'Empire, soit sous des habits de femme, soit sous des habits d'homme, qui se bat, qui va être prisonnière, qui a une vie extraordinaire avant de mourir dans son lit. Ça scandalise les habits d'homme. D'ailleurs, il y a une loi en 1793 qui interdit pour les femmes le port de l'habit d'homme et encore plus de l'uniforme. Dès 1790, on estime que dans un pays libre, on ne doit pas se déguiser pour exprimer des opinions. Le carnaval est dangereux. Bon. Et ce qu'on craint là, c'est que des hommes se déguisent en femmes, comme on faisait sous l'Ancien Régime, pour pouvoir manifester tranquillement, parce qu'on était tapé moins violemment si on était habillé en femme que si on était habillé en homme. Il ne faut pas jamais l'oublier. Et donc là, on n'aime pas ce genre de déguisement qu'on redoute. Et puis on n'aime pas les transgressions, c'est vrai. Chacun doit rester à sa place. Alors, Madame Sangène était dans les armées de la République, même si ensuite elle deviendra femme de maréchal. Mais alors, il y a des femmes aussi dans les rangs, bien sûr, des royalistes, oui, des vendéennes. Bien sûr. Parce qu'on ne se battait pas, les femmes n'étaient pas uniquement dans le camp de la République, vous le rappelez bien, Jean-Clément Martin. Oui, et ça, je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça, que des femmes, notamment en Vendée, mais aussi ailleurs, vont jouer des rôles parfois de premier plan dans la guerre. Certaines commandant des hommes, et là, ça ne pose absolument aucun problème. Je pense à Madame de Buccleuch, par exemple, autour de Charles. Mais là, on a affaire en définitive au rôle traditionnel des femmes. Les femmes de l'aristocratie, les femmes de la petite noblesse peuvent commander au nom de leur rang à des hommes, tout simplement parce qu'elles appartiennent à ces rangs de la petite noblesse. Et elles défendent là la religion, surtout. À la religion, la monarchie, c'est-à-dire, là aussi, il ne s'agit pas seulement de laisser les femmes dans la défense du pain et du logement. Elles ont bel et bien, elles aussi, de leur côté, des visions politiques et religieuses. Et elles finiront pour la plupart assez mal, d'ailleurs, oui, comme une autre femme célèbre de la Révolution, écœurée par les excès de la terreur. Ils correspondent avec les immigrés. Monsieur le Cordier, c'est terrible. Il suffit de lire les circulaires de Paris. Commune de Paris, solde informé. C'est signé Marat, l'ami du peuple. Cet homme ne veut laisser la République que dans un fleuve de sang. Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté, ce ne sont que des bourreaux, pleurant sur le sort de notre pauvre peuple de France. Vous le connaissez, on le change en un jour. C'est moi, Charlotte Corday. Qu'elle entre. À la garde, on a tapé pas. Et Et c'était l'assassinat de Marat par Charlotte Corday qui n'était pas, comme on le croit souvent, royaliste. Non, qui n'était pas royaliste, qui avait eu une très bonne éducation religieuse, la préparant au sacrifice, comme une récente thèse vient de le montrer, qui a bien choisi son itinéraire et son moment. Il n'y a pas eu de surprise, hein. Elle est venue reconnaître le lieu où vivait Marat. Enfin, on est là dans une action politique réfléchie, on est dans la volonté pour une jeune femme. Et importante. Et très importante, Marat, oui. Bien sûr. Dans ça aussi qu'elle a joué un rôle dans la Révolution. Ah oui, tout à fait. Et elle en est parfaitement consciente. Au passage, d'ailleurs, il faut bien noter que c'est extrêmement rare de voir des attentats politiques individuels commis sous la Révolution. Mmh. Et là, Charlotte Corday, je pense qu'il faut la comprendre dans cette culture antique et religieuse dans laquelle elle a baigné. Elle se sacrifie, c'est Judith qui tue le tyran Holoferne. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une retranscription culturelle de ce qui est vécu à ce moment-là pour essayer, pour se dévouer en définitive et essayer de changer la France. Et donc là aussi, mais ça fait très peur, et ce qu'on va reprocher immédiatement à Charlotte Corday, c'est cette transgression. Et un certain nombre de journaux vont vouloir la décrire comme une homasse. Avec une virago, une fille qui est déjà trop vieille, trop âgée, plus de 25 ans. Donc on soupçonne que personne n'en a voulu. Et donc ceux qui sont au contraire les modérés partisans de Charlotte Corday, qui trouvent que son geste a eu quand même beaucoup d'importance, vont insister sur sa douceur angélique, ses yeux bleus et ses cheveux blonds. Dans les deux camps, d'ailleurs, on cherche à discréditer les femmes. Du côté des royalistes, on pourfend, on stigmatise les tricoteuses, celles qui faisaient du tricot au pied dans les assemblées révolutionnaires. Il y avait aussi ce qu'on appelait les lécheuses de guillotine. Oui, c'est pas très joli, oui, c'est ça. Globalement, on peut dire que bon, toutes les femmes sont craintes, sauf quand elles sont ou jeunes filles vierges soumises, ou mères allaitantes des enfants. Mais les filles trop jeunes, libres, et les femmes sans époux, elles aussi indépendantes, sont des femmes dangereuses. Bon, et des deux côtés, oui. Et puis, on assouvit sur elles, également des deux côtés, absolument tous les fantasmes. Alors, vous décrivez la mort d'un certain nombre d'entre elles. D'abord, Marie-Antoinette, elle aussi. On éprouve le besoin non seulement de la condamner, ce qui sur le plan politique pouvait se concevoir, mais de la salir en l'accusant d'inceste avec son fils. Oui, c'est la suite là de toutes ces accusations qui, dès 1785-1786, avaient jeté Marie-Antoinette dans les égouts. C'était la putain nationale, c'était la messaline royale, c'était l'autruchienne. Donc, tout s'est dit sur Marie-Antoinette. Et c'est vrai que là, il y a eu le besoin de montrer qu'elle avait tellement transgressé toutes les règles ordinaires de la société qu'elle avait aussi transgressé les règles de la maternité. Bon, ce qui a été masqué, il faut bien le dire, pendant une bonne partie du 19e et du début du 20e siècle par les historiens, qui n'allaient pas voir de trop près, tellement ça semblait monstrueux et invraisemblable. Monstrueux et invraisemblable aussi, c'est la façon dont on met à mort la princesse de Lamballe, qui était justement une proche de Marie-Antoinette. Vous parlez aussi de ces Vendéennes qui sont violées, et de ces mariages républicains à Nantes. Voilà, c'était assez épouvantable. Alors, bon, le problème, c'est que de cela, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? La princesse de Lamballe, dont on dit qu'elle a été dépecée véritablement, est-ce qu'elle a-t-elle été véritablement? Finalement, rien ne le dit sérieusement. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été fait. Je veux dire seulement qu'on n'a pas les preuves. Mariage républicain qui consistait à attacher nu un homme et une femme et les précipiter dans la Loire à la fin de 1793, certainement ça a été commis. Bon. Mais est-ce que ça a été systématisé? Sans doute pas. Je dirais beaucoup plus simplement, le nombre de viols et le nombre de massacres, notamment en Vendée, a été considérable. Or, il y a finalement peu de descriptions attestées dans les archives. Alors, femmes violentées, femmes discréditées, femmes aussi ridiculisées, comme cette illuminée Catherine Théot qui se disait la mère de Dieu. Il me faut te parler, Robespierre, d'une plainte qui nous a été transmise par le comité de sûreté générale. C'est à propos de l'affaire Catherine Théot. Il y avait dans les papiers de Catherine Théot le projet d'une constitution surnaturelle qui devait être proposée. Et il paraît que ta venue est prédite dans Ézéchiel. Qu'ai-je à voir avec ces illuminés? Où veux-tu en venir? À démasquer une conspiration où, sous couvert d'illuminisme, on pousse à la dictature. Est-ce ma faute s'il y a à Paris une femme qui se prétend la mère de Dieu et qui prêche la venue d'un messie qui s'appelle Robespierre? Et oui, Catherine Théot était en fait instrumentalisée pour faire tomber Robespierre, Jean-Clément Martin. C'est vrai. En même temps, il a existé comme beaucoup d'autres femmes et beaucoup d'autres hommes. Et je pense qu'il faut le dire aussi très brièvement, c'est que la Révolution, c'est pas seulement le moment de la raison, c'est le moment du millénarisme, c'est le moment de toute une espèce d'exaltation sacrificielle autour du sublime, et que le nombre de prophétesses qui ont traversé, comme Suzette Labrousse, toute la période jusqu'au consulat, eh bien, c'est considérable. Et ça peuple Paris. Et Catherine Théot, effectivement, prophétesse, qui essayait d'unir la religion et la révolution. Eh bien, on l'a utilisé, c'est Vadier qui l'utilise, pour montrer que Robespierre, décidément, veut devenir le roi de la révolution, un tyran dangereux, et c'est une des raisons pour lesquelles il se retrouve sous la guillotine le 10 Thermidor. Alors, instrumentalisé, diabolisé aussi. Alors, en même temps, vous le rappelez également, Jean-Clément Martin, on les divinise en quelque sorte. C'est en 1792 que l'on choisit de faire incarner la République par une femme, par Marianne. Eh oui, parce qu'il faut bien que la nation devienne également un symbole, et un symbole dans lequel on puisse croire. Les figures royales ont disparu. Et il est certain qu'il y a eu, on peut le dire ça comme ça, une érotisation volontaire de l'image de la République et de la nation au travers de la mère allaitante, de la jeune mère avec des enfants. On est toujours dans ce modèle-là. Il ne faut pas qu'elle sorte de leur rang. Il ne faut pas qu'elle sorte de leur rôle, c'est très clair. Et ce qui est étonnant, c'est quand même que ça a pu être admis. Il y a peu de gens pour protester contre le petit nombre d'acquisitions pour les femmes faites par la Révolution qui avait proclamé les droits de l'homme et de l'homme exclusivement. Oui, parce que c'est oui et non, parce que si vous me permettez, en même temps que ces femmes qui n'ont évidemment pas gagné ces droits-là, il y a beaucoup d'autres catégories qui ont tout perdu aussi. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Bon, je disais les plus pauvres, je disais les esclaves, je disais les noirs, etc. C'est-à-dire que finalement, au sortir, voir que défendait d'ailleurs Olympe de Gouges, oui, bien sûr, oui. Parce qu'elle se sentait bien sûr dans le même du même côté. Donc elles n'ont pas gagné grand-chose, si j'ose dire. Elles ont surtout gagné un espoir, comme toutes les catégories auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Et paradoxalement, c'est je pense quand même que la Révolution française qui a entraîné finalement cette peur des femmes, a donné aussi aux femmes et à toutes les catégories auxquelles je faisais allusion, un espoir de libération ultérieure. Et c'est ça qui reste, qui traverse quand même le 19e siècle. Cet espoir, on l'a quand même sacrément attendu. Il oui. a fallu 155 ans pour que les femmes obtiennent le droit de vote en France et d'être éligibles en 1944. Bien Il y a sûr. Même, alors dans le Panthéon républicain, hein, au Panthéon, ben on n'a pas admis les femmes pendant longtemps, jusqu'en 1995. J'ai reçu ce matin un mail du descendant, d'un descendant de Lafayette, qui dit « Je ne souhaite pas, vous avez essayé d'ailleurs, je ne souhaite pas que mon aïeul Lafayette entre au Panthéon, mais que Olympe de Gouges y entre dans ce lieu, dit-il, le plus misogyne qui soit. » Je préférerais Madame Roland quand même, oui. ou Germaine de Staël, mais bon. Mais, ah bah Olympe de Gouges aussi, mais quand Olympe même, de on Gouges, en parle oui, jamais. Oui. Non, mais j'aime bien Olympe de Gouges, mais je pense que intellectuellement et politiquement, malgré tout, je pense que les deux autres ont des statures un petit peu sans doute plus importantes. Merci Jean-Clément Martin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « La révolte brisée, femmes dans la Révolution française et l'Empire » qui vient de paraître chez Armand Collin. Vous êtes également l'auteur tout récemment de La Révolution française, publié aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection Idées reçues. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, disponible en DVD chez Gaumont, Manon Roland, un téléfilm d'Edouard Molinaro, Marat, Les Jupons de la Révolution de Maroun Baghdadi, disponible en VHS aux éditions Scherzo, et enfin La Caméra explore le temps, La Terreur et la Vertu de Stelio Lorenzi et Alain Decaux en DVD INA édition vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Serge Viguier et Mathias Léon, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.